7A. Imaginez que vous partiez pour un voyage dans le désert du Sahara. Est-ce que vous partiriez seul? Si vous étiez maintenant dans le désert, si vous étiez en train de marcher dans le désert, qu'est-ce que vous verriez? Comment serait le paysage? Comment serait le ciel? La terre? De quelle couleur? Est-ce qu'il y aurait des parfums? Des odeurs? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Content? Inquiet? Tranquille? Bien? Vous continueriez à marcher. Vous marcheriez encore. Encore. Vous marcheriez pendant un bon moment. Puis, vous vous arrêteriez pour contempler le paysage. À l'horizon, vous verriez un cheval. Le cheval serait maintenant à 200 mètres de vous. Comment serait ce cheval? Imaginez-le. De quelle couleur serait-il? Est-ce qu'il partirait? Ou bien, est-ce qu'il resterait près de vous? Que feriez-vous? Qu'est-ce qui se passerait? Vous recommenceriez à marcher dans le désert. Et au bout d'un certain temps, le vent soufflerait et le sable se soulèverait. Le vent soufflerait avec de plus en plus de violence. Ce serait une véritable tempête de sable. Que feriez-vous alors? La tempête se calmerait maintenant et le vent aussi. Le paysage serait complètement tranquille et calme. Vous reprendriez votre route et, au bout de quelques minutes, vous verriez devant vous un cube. Un cube en plein désert. Imaginez ce cube. Décrivez ce cube. Décrivez vos sensations et vos impressions à la vue de ce cube. Qu'est-ce que vous feriez? Reprenez lentement conscience de votre corps et revenez en classe. Ouvrez lentement les yeux et racontez entre vous votre rêve.